La Corée produit beaucoup d'aliments nutritifs favorables à la croissance des enfants. Par exemple, l'Institut de l'administration nutritive des enfants de l'Académie des sciences de médecine a mis au monde du lait en poudre efficace pour le développement du cerveau et la croissance des enfants. On a exploité également du lait en poudre à caractère nutritif et curatif des nourrissons, ainsi que la poudre de vitamine D2 favorable à la croissance et autres produits fortifiants pour enfants.